Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Et oui, celui qu'on retrouve en surprise totale, c'est notre ami Kiwan. Salut Kiwan. Hey, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé. Ça fait combien de mois, là, tout ça? Ça fait presque 2 mois, je crois. La dernière fois, c'était tout au retour des fêtes. Je vous parlais de mon voyage à Yellowknife. Oui, c'est vrai. Et c'est tu vrai. Nous disais que tu avais un changement de vie là, qui s'en est, donc ça s'est déroulé depuis, hein? Oui, c'est ça. À ce moment-là, j'étais en train de changer d'emploi, puis je savais pas trop, en fait. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais là, quand j'ai changé de job. En fait, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire. C'est un emploi qui est dans le milieu pétrolier. T'sais, ici, tout le monde travaille là-dedans ou à peu près. Ils appellent ça travailler dans les huiles. Je me suis dit, ah, je vais aller essayer ça, mais en ne sachant vraiment, vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire. En fait, je savais même pas c'était quoi travailler dans les huiles. Toi, tu pensais que travailler dans des huiles, c'était travailler au centre d'achat local dans un fruits et passions, là. Genre les petites huiles aromatisées exactement. Et tout, là. Ouais, ouais. Mais c'est dans un bar à salade, genre. Oui, c'est ça, tu te vinaigrais le Chess. Exactement. Ouais. Mais non, c'est ça, finalement. Là, je suis pas mal dedans. Là, je vous dirais, ça fait un mois et demi que je fais ça. Puis c'est ça, j'ai un horaire là, qui est assez chargé. Dans le fond, je suis sur un horaire de 16-5. Donc, je travaille 16 jours collés. Ich. C'est pour ça que je vous donne pas souvent de nouvelles. Wow. Puis la dernière fois que j'ai eu des congés, en tout cas, je viens juste d'avoir mon premier 5 jours complet. Je suis dans mon mandat en vacances présentement. Tu dors tout le long dans ce temps-là, hein? Après 16 jours de travail intensif? Tu n'as pas envie de sortir tant que ça? Non, ben au contraire, je dirais que j'ai le goût de commencer à exister un peu là, parce que vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment rien fait là, dans le dernier mois et demi. J'aimerais ça vous parler de spectacles, de groupes de musique que j'ai découvert ou quelque chose, mais vraiment, j'ai même arrêté d'écouter de la musique parce que dans mon ancien travail de camionneur, je pouvais écouter de la musique presque 24 heures sur 24, là, ou tu sais, juste dans mon sommeil, j'en écoutais pas. J'étais toujours seul dans mon camion, j'avais juste ça à faire. À écouter des balados, écouter de la musique, je faisais juste ça. Mais là, je travaille avec une équipe de travail, je suis constamment avec eux, c'est presque comme un couple, là. On est tout le temps ensemble. Ah oui. Donc, faut comme s'habituer, disons, aux habitudes des autres, ben, c'est ça, aux goûts musicaux. Est-ce qu'ils te forcent à écouter leur musique à eux? Ils font écouter des radios commerciales poches ou? Ben, exactement, ouais. C'est ça, là. Je sais pas, il y a comme un genre de consensus qui se fait, puis on tombe sur des postes de radio qui sont populaires ici, là, c'est-à-dire très, très rock alternatif, rock classique, années 90, ouais. Ou sinon, encore pire, postes de radio country, là. Ça devient un peu pathétique, là. La honte, ouais. Mais là, tu travailles pour quelle compagnie, là? Ben, moi, en fait, je travaille pour une compagnie, une petite compagnie ici d'Alberta qui s'appelle Big Guns. Perforating. Et puis, c'est drôle, là, je me suis engagé dans cette compagnie-là. Je savais pas du tout c'était quoi du perforating. Mais c'était juste pour le nom Big Guns, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouvais ça très destroy. Masculin. Puis c'est ça, finalement, en fond, on fait des contrats pour toutes les compagnies pétrolières ici. C'est vraiment un milieu, là, mais complètement différent. Je suis vraiment, vraiment dépaysé. Quand je suis déménagé ici, là, je me sentais pas. Je me sentais vraiment comme chez nous, en fait, là, tu sais. Je veux pas le moyen ici de vivre exactement comme au Québec. Surtout que j'avais un peu le même métier que je faisais. Mais là, présentement, c'est complètement différent. Surtout que le travail se fait surtout dans les prairies. Et maintenant, là, j'habite de façon permanente à Medicine Hat, donc dans les prairies. Et là, vraiment, je vous dirais que c'est presque un choc culturel là, que je vis depuis un mois et demi. Je suis vraiment très, très dedans les prairies. Dedans le milieu pétrolier, qui est un milieu très, très, très viril, très, très homme. Un milieu auquel j'étais pas tant habitué. Uh-huh. Et ouais, c'est un choc. Ouais, ça doit. Ça doit. François, est-ce que tu veux lui demander si la météo est bonne? C'est ta question, hein? Oh, ouais, vas-y. La météo, ça ressemble à quoi? Ouais. Ben, la météo, oui, normalement, ici, ça, apparemment, l'hiver, ça serait supposé être terminé. C'est ce que tout le monde dit. Généralement, au mois de mars, l'hiver est fini. Sauf que cette année, tout le monde me dit que ça a été l'hiver le plus dur depuis à peu près les 15 dernières années. Donc là, on a encore un peu de neige qui tombe, on a encore des froids, il y en a encore comme dans les moins 20 pour toute la semaine. Mais apparemment que normalement, en ce temps-ci de l'année, tout est fondu, puis c'est le printemps. Donc là, je peux pas juger, j'étais pas là les années d'avant, mais pour l'instant, je vous dirais que ça ressemble pas mal au Québec. Hein. OK. Puis si t'as un autre congé, ben en fait t'as des congés comme tu disais, t'as 16 jours de travail, 5 jours de congé, est-ce que tu penses revenir en Mauricie à un moment donné pour faire un petit voyage local? Ben, pour l'instant c'est prévu au début avril, donc dans mon prochain 5 jours qui va tomber au début avril, si tout va bien, ouais je prévois aller faire un tour au Québec, ça va faire 7 mois que j'aurais pas pu voir ma famille, mes amis, fait que je pense que je vais être dessus. Tu dois t'ennuyer pas mal, hein? Il doit s'ennuyer toi aussi, et t'as un homme charmant comme toi. Ah, ben peut-être, j'imagine. Mais moi, je m'ennuie de vous, en tout cas, je m'ennuie de la radio. Ben oui, mais c'est sûr que nous, ton manque de présence, disons que ton absence, je pense que ça se dirait mieux, est très, très, très, très regrettée. On est bon, triste. Bon, mais c'est. Voilà, merci. Ouais, voilà. Bref, appelle-nous quand tu veux. Hein. On va entendre une pièce que tu as choisie pour nous à Assemblage Requis ce matin. Ben oui, c'est une des très, très rares découvertes musicales que j'ai pu faire dans les derniers mois. Je me suis trouvé un allié musical parmi tous mes collègues très très virils et très brutaux. Je suis quand même découvert un ami qui a des goûts musicaux qui forment pas mal aux miens. Puis c'est ça, c'est un groupe qui m'a fait découvrir, qui s'appelle, c'est un artiste en fait, qui vient de Hamilton, en Ontario, qui s'appelle Beat Johnston. De la musique, c'est dur de décrire comme style. La pièce qu'on va entendre, c'est un peu électro, un peu presque geek, un peu okay. Des sons un peu vite-vite des fois, mais peut-être pas cette pièce-là, mais en tout cas, c'est tellement varié, là, ce style. Des fois, c'est complètement folk, juste voix guitare. Des fois, c'est très électro. Puis je pense que la constante autour de ça, c'est que c'est un peu un genre de projet musical presque humoristique. Là. Le gars se prend pas trop au sérieux, puis les pièces sont souvent assez drôles. Dont celle-là qui s'appelle How many T-bone steaks can I fit in my pants? Combien de steaks T-bone puis-je mettre dans mon pantalon? Exactement. Voilà. C'est génial, on va l'entendre ça. Merci beaucoup, Kiwan, et on te retrouve très bientôt ici. Et merci pour ta présence ou encore ton manque d'absence, si on suit la blague de tantôt. Bonne journée, Kiwan. Eh bien, bonne journée à vous, puis on se reprend bientôt. Merci. Yes. Bye. Salut. Okay, bye. My boss goes to work dragging a trailer, towing jet skis behind her Lincoln Navigator. And I'd ask for a raise the day before, but she said a 25-cent raise is something that you can't afford. No, no, something that you can't afford. So now there's no toilet paper in the staff bathroom. I got stacked like a pyramid back at my house. And I don't care if it burns when I wipe. I stole it from work and it feels so right. Feels so right. I don't care if it burns when I wipe. They got me training an army of 15-year-olds. All making the same wage as me. So I train them to steal imported cheese. I'm getting double chins from all the brie, all the brie. And you know there's no security cameras in the cereal aisle. So I eat all the brie I want and never go to trial. Eat all the brie, never go to trial. My grandma's been eating a T-bone steak every day since the 24th of May. How many T-bone steaks can I fit into the waistband of my pants? This meat is my high summer romance. I'm getting fatter than John Travolta. All this grease is not good for me, but it's delicious and it's so free. Haagen-Dazs bars and Frito-Lays will be the death of me. And let's not forget all that stolen brie. Is it possible to have a heart attack at 18? Is it possible to have one at 23, at 23? Can't stop stealing from work. I just can't stop stealing from work. Don't they realize my lunch bag should not be a hockey bag? Who eats sandwiches this big? And why is it filled with doors to tower